c'est Sarah. Un grand merci à Blockbuster pour cette émission sur les Sims. Ça m'a rappelé ma vie d'étudiante et ça m'a donné qu'une envie, acheter la nouvelle version que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Et un grand merci pour cette émission que je trouve super et qui n'est pas une émission de geek, mais une émission pop culture. Merci, bisous, bisous. Soul, soul, olé, tola, otalamadou. Salut l'équipe de Blockbuster, je voulais vous remercier pour votre excellente émission. C'est un régal de vous écouter parler de sujets d'une culture geeko-jeuno-populo-coulo-déjantée. Salut. Papa, Nico, sachez que votre jeu Les Sims n'était pas buggé. C'est moi qui ai assassiné vos personnages avec des canapés et une cheminée. Je l'ai longtemps regretté. Mais aujourd'hui, grâce à Blockbuster, ça va mieux. Alors, merci Blockbuster. Salut Frédéric, je tiens à te remercier parce qu'enfin j'ai plus l'air d'un gros beauf au niveau de mes choix cinématographiques depuis que tu es là sur France Inter et qu'aussi les diffusions Arte passent Terminator 2. Bonjour Blockbuster, hein. Je crois que l'objectif c'était de donner envie de poser des trucs. Bah, c'est réussi, là j'ai acheté l'intégrale de Die Hard. Bon, malheureusement il y a les 5, hein, j'en ai que 3. Et puis là je commence à m'atteler à Kaamelott. Mon portefeuille commence à avoir un petit peu mal. Voilà, mais bon, faites bien votre boulot, merci. À bientôt, ciao. Alors c'est bien beau tout ça, là, les petites émissions, là. Mais quand est-ce qu'il arrive le Blockbuster sur les frères Cohen et surtout The Big Lebowski? Ça c'est culte quand même, non mais, allez. To be or not to be, not to be. Dans le folklore de la littérature fantastique, il n'y a pas beaucoup de personnages qui fascinent autant que les vampires. J'ai même vu un documentaire sur des adolescents qui rêvent de devenir des vampires. Alors qu'un zombie, un loup-garou ou la créature de Frankenstein, ça attire beaucoup moins. Il y a clairement dans le mythe du vampire quelque chose d'un peu glamour et romantique. Avoir la jeunesse éternelle et la garde-robe dandy gothique de Cure. Ces créatures qui d'un regard te séduisent, t'envoûtent et te sucent le sang pour te laisser exsangue de tout. Un vampire en littérature fantastique, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un mauvais plan Tinder. Ça vient peut-être de l'iconisation de ce baiser dans le cou. C'est érogène, le cou. Si le cinéma nous avait montré des vampires obligés de mordre un mollet, comme un Yorkshire, pour se nourrir ou une autre partie du corps moins sensuelle, peut-être qu'il ne bénéficierait pas de cette image de lover. Parce qu'au fond, le vampire, on a beau lui trouver toutes les qualités du monde, ça reste un parasite. Une tique avec des fringues un peu classe et un accent des pays de l'Est. Le prix de sa jeunesse, c'est celle des autres. Le vampire a besoin d'être humain pour subsister. Dès lors, on sait qu'il aura toujours besoin d'avoir une consommation raisonnée et durable. Une planète de vampires, c'est l'extinction directe pour eux. En plus, le vampire ne bosse pas la journée, on a affaire à un rentier de compétition. Pour le vampire, il s'agit donc de prélever du sang, mais jamais complètement, afin de ne pas empêcher l'humanité d'aller bosser et de se reproduire. En fait, il y en a partout des vampires. Le vampire, c'est ce chef de service qui doit suffisamment vous rabaisser pour que vous n'ayez pas confiance en vous, mais pas au point de vous faire démissionner, parce qu'il ne serait pas capable de faire votre travail. C'est ce père ou cette mère qui trouve qu'il n'y a pas de raison de vous dire que ce que vous faites est bien, vu qu'à elle ou à lui, on lui a jamais dit durant l'enfance. Au fond, un vampire aujourd'hui, en psychologie, on appelle ça tout simplement un pervers narcissique. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Comte Dracula ? Je suis... Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, monsieur Harker, dans ma résidence. Je vous prie. Le roman Dracula de l'écrivain britannique Bram Stoker n'a pas inventé la figure du vampire, mais c'est sans conteste celui qui l'a popularisé. Le comte Dracula, vampire immortel, se nourrissant du sang des vivants, aussi repoussant qu'il peut être attirant, est devenu, sous les mots de Bram Stoker, un objet de fascination et d'inspiration pour la pop culture, mais aussi pour la psychologie depuis maintenant plus d'un siècle. Un mythe du vampire qui n'a eu de cesse de s'enrichir toujours plus au fil des époques et au fil des auteurs. Pour revenir sur ce personnage, incarnation des pulsions de sexe et de mort telles qu'elles sont définies par Eros et Thanatos, j'ai à mes côtés Jacques Sirgent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes vampirologue et traducteur de Dracula. Oui. Également avec nous, François Angelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de l'émission Mauvais Genre à France Culture, excellente émission. Merci. Et enfin avec nous, Barbara Sadoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, comédienne et spécialiste du fantastique. C'est bien ça. Ensemble, on reviendra sur la création de Dracula, sur ses inspirations, mais aussi sur ses descendants. On parlera également d'Anne Rice, qui a elle aussi contribué à enrichir cette mythologie. On tentera de comprendre pourquoi le vampire fascine autant la littérature et le cinéma depuis des décennies. Et enfin, on verra comment l'image du vampire n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Allez, Blockbuster spécial vampire, c'est tout de suite maintenant. N'essayez sous aucun prétexte de trouver le sommeil dans quelque autre pièce de ce château. Il est peuplé de mauvais souvenirs. Je vous aurais prévenu. Nous sommes en Transylvanie et la Transylvanie n'est pas l'Angleterre. Nos usages ne sont pas vos usages. À vos yeux, beaucoup de choses vont paraître insolites. Barbara Sadoul, l'histoire du vampire ne débute pas avec Dracula de Bram Stoker, mais avec un livre plus ancien, je crois. Oui, en fait, Bram Stoker, il a pu se nourrir d'une littérature qui a commencé avec les romantiques allemands, donc 100 ans plus tôt, avec la fiancée Corinne de Goethe. Donc il y a déjà des femmes vampires avant les femmes qui sont dans le château de Dracula. Et puis, il y a eu aussi en France Théophile Gautier avec la belle Clarimonde, qui n'essaye pas d'ailleurs du tout de tuer le prêtre de campagne qui est amoureux d'elle. Elle prend juste quelques gouttes de sang nécessaires à sa survie. Et puis, il y a ce très beau roman de Sheridan Le Fanu que Bram Stoker, Carmilla, et que Bram Stoker connaît puisque à ce moment-là, il a commencé à écrire des articles sur le théâtre et donc est invité dans les salons littéraires et il va donc rencontrer Sheridan Le Fanu, il va entendre la lecture de Carmilla aussi. Est-ce qu'on peut résumer rapidement Carmilla ? Carmilla, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est recueillie. Il y a eu un accident de calèche et il y a une autre jeune fille dans la demeure où elle est recueillie et ça va être une histoire d'amour saphique, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Et Carmilla est très ambiguë puisque soit c'est vraiment le monstre, soit c'est le monstre amoureux et qui ne voit dans l'éternité, donc dans la morsure, que le passage vers un au-delà où elle pourra être unie avec Laura, la narratrice. Je raconte peut-être pas la fin quand même. Il y a une très belle édition d'ailleurs où il y a des morsures dedans dans la couverture, on voit les crocs. Et François Angelier, il y a aussi le vampire de John William Polidori. Alors là, on arrive, je dirais, au cœur du dispositif, puisque Polidori était un romantique, c'était un médecin, c'était un ami et même plus de Lord Byron. Et avec le couple Shelley, ils ont créé une sorte de... Ils sont partis un peu en randonnée ensemble tout au long en Europe. Et c'est sur les bords du lac Léman, en 1816, qu'a été créé justement au fil d'une sorte de tournoi de récits fantastiques et de récits horrifiques, la figure du vampire par Polidori. Chacun a tenté de créer quelque chose. Alors effectivement, Byron, lui, a tenté aussi de créer un vampire. Marie Shelley, on sait ce qu'il en advint, c'est Frankenstein. Et Polidori, justement, a créé cette figure du vampire. Mais c'est ce qui est très intéressant, c'est que là, avec Polidori, on assiste au mariage et à l'incarnation du vampire romantique. C'est-à-dire qu'auparavant, le vampire était une créature rurale, un personnage mythique, folklorique, dont parlaient avec beaucoup de curiosité et d'angoisse les diplomates, les voyageurs. On était au sud, dans l'Europe orientale, un peu en Grèce, dans les Balkans, mais c'était rural. Et avec Polidori, on arrive à une conception urbaine, aristocratique, romantique du vampire. Et c'est donc ce texte, qui n'aura pas immédiatement une énorme postérité, qui fonde un peu la figure canonique du vampire que Dracula, après, fera exploser véritablement. Et Jacques Sergent, vous êtes vampirologue, expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est pas moi qui me suis affublé de ce titre que je revendique maintenant, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la symbolique du sang. En gros, donc le sang, ça ratisse très large, ça concerne les religions anciennes. puisque tous les dieux sans exception ont connu des sacrifices sanglants, des sacrifices humains ou animaux. Et quand on offre un sacrifice à un dieu, c'est qu'il boit le sang, c'est pas une image. Les Aztèques qui offraient plusieurs cadavres, cœur d'enfant tous les matins pour que le soleil renaisse. Mine de rien, même les premiers chrétiens. Donc on part du fait que tous les dieux sont vampires. Oui, d'ailleurs, quand on repense à la scène du Christ, tenez ceci est mon sang, prenez ceci est mon corps, il y a déjà une dimension comme ça de partage de pouvoir à travers le flux sanguin. Le vampirisme est antérieur, le christianisme a emprunté cette métaphore au mythe du vampire qui existait depuis longtemps avant, oui. Et je crois que vous vouliez intervenir, François Angélier. Oui, donc justement, sur cet rapport un peu singulier et auquel on ne pense pas de premier abord, entre le Christ et le vampire. On pense tout de suite au diable. Mais si on regarde le roman de Bram Stoker et même les romans antérieurs, le diable n'apparaît pas, ou très peu, il est mentionné, mais il n'y a pas une apparition quand même omniprésente. Il n'est pas omniprésent. Alors que si on veut chercher du diable, du diabolisme dans le vampire, c'est sur, peut-être sous la forme d'un Christ dégénéré. Une sorte de Christ démantibulé et reconstruit n'importe comment. Parce qu'en effet, on peut observer que le vampire fonctionne comme le Christ, mais au lieu d'avoir des disciples, le vampire a des clones. Au lieu de donner son sang pour le rachat du monde, eh bien c'est le monde qui donne son sang au vampire pour le rachat du vampire, et que la forme, effectivement, de la blessure vampirique est un peu celle de la blessure du Christ. Donc on assiste avec le vampire, avec Dracula notamment, à une véritable parodie machiavélique du Christ. C'est ça qui est totalement... Une sorte de miroir inversé. Exactement, c'est tout à fait ça. Et comme le vampire n'a pas d'âme, il n'a rien, il n'intéresse ni le diable ni le dieu, parce qu'est-ce qui intéresse Dieu et le diable quand il nous tente? C'est l'âme, c'est la première créature imaginaire qui n'a pas d'âme, qui est libre de la peur d'aller en enfer ou au ciel. Par contre, on le tue avec un puits dans le cœur. Ça prouve qu'il a un cœur, on tue sa capacité d'aimer l'autre. Parce qu'en gros, vous buvez le sang du Christ, vous allez au ciel, le vampire prend votre sang, vous restez sur terre. Et beaucoup de gens, s'ils avaient le choix, préféraient rester sur terre, entourés des gens qu'ils aiment. Donc c'est plutôt l'image positive que j'ai du vampire quelque part. Et cette figure du vampire, elle existe dans des religions et des mythes beaucoup plus anciens. Il y a notamment l'inspiration des Striges, ces femmes ailées qui venaient comme ça sucer le sang des nouveau-nés. Et puis il y a également dans les mythologies de Mésopotamie, le personnage de Lilith, qui est censée être la première femme d'Adam, qui elle n'a pas été issue de sa côte, mais qui a été créée à même l'argile. Donc il y a toute cette mythologie-là qui est convoquée par le mythe du vampire, Barbara Sadoul. Ah oui, Lilith, elle est considérée par certains comme la première femme d'Adam. Et son égale, je crois, Oui, il y a beaucoup de courants féministes qui se sont appropriés la figure de Lilith justement pour ça. Et rejetée, du coup, elle se met effectivement à avoir des victimes. Et on a aussi toutes les lamies, effectivement, les striges, les impuses, ces personnages de femmes ailées. Après, on a les démons, les succubes, qui seraient censés envoyer des rêves érotiques aux hommes et se nourrir... de leur substance, et on arrive après peut-être aux vampires psychiques féminins, ou pas. On va continuer de parler de vampires et de Dracula, mais avant cela, on va écouter Iron Maiden avec Fear of the Dark. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Elsa Bélanger. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip, et à la technique aujourd'hui, Alexandre Chenet et Clément Bergman. Messieurs, nous ne combattons pas ici une maladie. Ces marques sur la gorge de Lucie ont été faites par une chose indicible et étrangère. Morte, mais non morte. Elle nous traque dans un but effrayant qui m'échappe encore. Pour vivre, elle se nourrit du sang de Lucie. C'est une bête, un monstre. I am a man who walks alone. And when I'm walking a dark road... Night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. C'était Iron Maiden, évidemment, dans Blockbuster sur France Inter. Qui êtes-vous ? Que faites-vous chez moi ? Je suis venu exaucer tes prières. La vie n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Le vin n'a aucun goût. Les aliments te répugnent. Il semble ne rester aucune raison de vivre. Je me trompe. Mais si je pouvais t'y faire reprendre un goût, briser la souffrance et t'offrir une autre vie, une vie que tu n'aurais jamais imaginée, et ce serait pour l'éternité, et la maladie et la mort ne pourraient plus jamais t'atteindre. N'aie pas peur. Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. C'était un extrait d'Entretien avec un vampire, le film de Neil Jordan. Alors nous sommes toujours avec le vampirologue et traducteur Jacques Sirjean, le producteur de l'émission Mauvais Genre François Angelier et la comédienne et autrice Barbara Sadoul pour parler des vampires et de Dracula. Donc maintenant, attaquons justement le sujet Dracula et Bram Stoker. Barbara Sadoul, à quel moment Bram Stoker a eu l'idée de se lancer dans la création de ce personnage incroyable ? En fait, il a mis 10 ans à écrire Dracula, donc je pense que c'est les rencontres qu'il a faites, le fait qu'il écrive sur cet acteur Irving qui l'a inspiré, puisque quand il a eu fini d'écrire son roman, il l'a porté au théâtre tout de suite puisqu'il n'y avait pas les droits d'auteur comme aujourd'hui. Et Irving se serait un peu trop reconnu dans Dracula et aurait dit que c'était affreux et a arrêté tout de suite la pièce de théâtre. Donc il y a ces rencontres dans les salons littéraires des parents d'Oscar Wilde. Il y a sa rencontre aussi avec Arminius van Berry, qui lui parle d'orientalisme, toutes ses recherches au British Museum. Il était féru d'hypnose également. Alors je sais qu'il faisait partie peut-être d'une société secrète. Alors là, je pense que Jacques est plus fort que moi pour parler de la société secrète ésotérique, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Oui. Voilà. D'après Alain Pozzoli, qui est le biographe officiel en France de Bram Stoker, il a eu accès aux listes, il n'a jamais fait partie. Je me suis dit, tout le monde en faisait partie, Oscar Wilde, il voulait réussir, Bram Stoker, dans la vie. Je me suis dit, je m'étonne qu'il n'ait pas réussi à entrer, même par snobisme, mais il devait avoir peur quelque part, parce qu'il avait une telle phobie du rejet social, mine de rien. Je me dis, peut-être ça qu'il a retenu. Mais dans la préface islandaise de Dracula, qu'il a écrite, qui est la première traduction étrangère de Dracula, il dit que c'est les meurtres de Jack l'Éventreur qui l'ont inspiré aussi. Il avait une attirance morbide pour la violence, et il s'est mis à écrire Dracula au moment où les meurtres commençaient. C'est 10 ans plus tôt à peu près, en 97. Ouais. On parle aussi d'une indigestion qui lui aurait provoqué un cauchemar du cimetière à Londres, à Highgate, où lorsqu'il se promenait, il aurait vu quelqu'un partir en courant de cette partie du cimetière que j'ai visitée. En fait, il y a un portail qui ressemble à un portail égyptien et au centre, il y a des tombeaux à la verticale, arrondis, et il aurait vu quelqu'un s'en échapper à toute vitesse. Donc, je pense qu'il a été nourri par la littérature qui était avant lui, effectivement, les meurtres de Jack l'Éventreur. Et il passait toutes ses vacances à Cruden Bay, petit village en Écosse, où il y a un superbe château, je suis allée le voir, qui l'aurait aussi inspiré, puisqu'il n'est jamais allé. Il n'est jamais allé en Transylvanie. Voilà. Et François Angelier, la figure de Dracula, c'est un vampire. On l'a dit précédemment, il y a déjà eu des vampires dans la littérature, mais c'est un vampire beaucoup plus charismatique que les autres. On a affaire à un personnage qui regorge de super-pouvoirs et aussi de limitations très très concrètes. Est-ce que vous pouvez expliquer aux éditeurs qui n'ont peut-être jamais lu de Dracula, qui est ce personnage ? Le personnage, c'est un aristocrate carpatique transylvanien qui vit dans un castel, une espèce de château gothique aux confins des Carpates, et qui attire à lui donc un clerc de notaire pour mener Jonathan à bien Harker. Un achat, Jonathan Harker, pour mener à bien l'achat d'une maison, d'un bien immobilier en Angleterre. Et Après, s'enclenche cette affaire, c'est-à-dire la conquête de l'Europe et la conquête du monde par Dracula. Donc, ce qui fait déjà la caractéristique de ce personnage, c'est que d'une part, il capitalise, il résume, il focalise en lui toute la tradition vampirique antérieure, toute celle de l'Europe orientale, des Balkans et de la Grèce. Donc déjà, sur le plan culturel, folklorique, ethnique, c'est un personnage qui est véritablement chargé de mémoire. Et à partir de là, la grande nouveauté, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dandy solitaire, d'un monstre totalement un peu en roue libre comme ça, qui serait la nuit justement comme Jack l'Éventreur, dont on sait toujours d'ailleurs pas grand chose, qui serait un chasseur de nuit uniquement. Il y a chez ce personnage une volonté impérialiste, une volonté de conquête, qui tente de mener à bien, justement, qui tente d'accomplir et d'incarner dans cette espèce de vampirisation de l'Angleterre. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est que là on sort de la solitude, on part de la solitude, de la réclusion, de la mémoire un petit peu, pas coupable, mais de la mémoire qui est un petit peu comme ça scellée dans ce château, pour l'ouvrir à véritablement une volonté de domination du monde. Ça c'est véritablement la grande nouveauté. Et ce désir s'incarne à travers tout un tas de stratégies, en utilisant bien sûr les gitans, qui sont là un peu comme des hommes de main, et puis après la réquisition de navires, la traversée de la Méditerranée, l'arrivée de ce navire dont tout l'équipage a totalement été anéanti, et on ne sait pas très bien, la mutation, le fameux chien comme ça qui apparaît brusquement et qui bondit et qui se perd dans la nuit, et puis après la manière dont Dracula commence à investir véritablement la réalité anglaise. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait chez les Anglais une véritable... Un impérialisme évident, puisque à l'époque où Dracula a été écrit, en pleine ère victorienne, l'Angleterre est une puissance impériale mondiale. C'est l'héritière de Charles Quint, c'est véritablement un empire colossal. Et donc, il y a chez les Anglais, on trouve ça aussi, par exemple, chez Conan Doyle, avec son angoisse des thugs, les étrangleurs indiens, il y a véritablement une espèce d'angoisse des marges, de la périphérie de l'Empire, et la peur que, justement, il y a une espèce d'assaut donné vers le centre. Et c'est ce que fait Dracula. C'est véritablement une volonté des marges de gagner le centre et de prendre le pouvoir. Et ça véritablement, Dracula, pour ça, est absolument génial. Ça serait, alors je schématise, vous n'hésitez pas si je dis n'importe quoi, mais ça serait donc Dracula serait l'incarnation un petit peu de l'immigré de l'époque tel qu'on se l'imagine. Il peut y avoir dans Dracula, dans la terreur que suscite Dracula, la peur du migrant. Effectivement, du passager clandestin, du personnage qui vient des marges, des confins comme ça, et qui amènerait des maladies. Voilà, et qui n'est pas censé bouger, qui est censé rester là où il est, et qui justement a cette volonté de conquête. Et effectivement, je pense qu'il y a cette angoisse à l'égard du personnage de Dracula. Il y a un peu cette angoisse, effectivement, migrante. Alors, je suis entouré par des experts, mais vous le savez si vous écoutez l'émission tous les jours, il y a toujours un moment donné où je me pose la question, le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant les vampires. Saurez-vous y répondre ? Si un moustique suce le sang d'un vampire, est-ce qu'il devient un vampire ? Et au fond, est-ce que ça change quelque chose pour lui ? Mais il est déjà à l'origine, donc en gros, c'est un vampire qui mord un vampire. Oui. Donc en fait, ça ne sert à rien. Voilà. On est d'accord. Sauf aux moustiques, oui. Sauf aux moustiques. Il faudrait mordre un moustique pour en transformer en moustique vampire. Oui. Et mordre un moustique, à mon avis, c'est compliqué. C'est compliqué. Mordre un moustique, oui. C'est compliqué. Et puis on risque d'avoir Émeric Caron sur le dos aussi. Oui. Par exemple. Dans Twilight de Stéphanie Meyer, Bella, une adolescente de 17 ans, vit une histoire d'amour avec Edward, un vampire de 109 ans. D'après vous, qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes aux parents ? La pédophilie ou la nécrophilie ? Barbara, c'est toi la spécialiste de Twilight. Mais je suis pas la spécialiste de Twilight. Je l'ai défendue au début parce que je me suis dit, voilà, c'était le premier tome du livre. Et puis après, j'ai vu les films. Et après, voilà. Et puis j'ai vu aussi ce que ça véhiculait sur l'image de la femme. Au départ, je me suis dit, bon, c'est bien, on va se mettre à lire d'autres histoires sur les vampires. Donc je ne suis pas la spécialiste, mais moi, je préfère Buffy contre les vampires. Donc là, et voilà. Les auditeurs Angel, savent que il moi est peut-être encore plus âgé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans Entretien avec un vampire, Claudia a été mordue très jeune. Du coup, elle restera une enfant pour l'éternité. Si un vampire mord Gérard Collomb qui a 72 ans, est-ce que ça veut dire que Gérard Collomb aura 72 ans pour l'éternité ? Bah, on a l'impression que c'est elle qui a trouvé ce créneau-là, parce qu'en gros, si un vampire vous boit un verre de sang, il rajeunit de 10 ans, s'il boit un litre, il redevient un bébé, c'est idiot. Donc elle a trouvé cette idée-là, que vous gardez l'âge, que vous l'avez, au moment où vous mort, ce qui n'est pas idiot comme idée. Mais elle l'a emprunté à l'Antiquité, dans la plupart des histoires de vampires de l'Antiquité, quand on retrouve un cadavre en bonne santé dans son cercueil, il n'a pas âgé, il a la peau un peu en bonne santé, c'est tout. Il n'y a pas une question d'âge. Elle ne l'a pas inventé, ça, mine d'accord, de rien. Donc c'est cohérent. Quelque part. C'est cohérent. Ouais, ouais. Donc en fait, il vaut mieux mordre des gens dans la fleur de l'âge, plutôt. Oui. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci pour ces éclaircissements. Hein. Je rappelle aux auditeurs qui prennent l'émission en cours de route que nous sommes toujours avec le vampirologue Jacques Sirgent, le producteur François Angelier et la comédienne et autrice Barbara Sadoul. Et on se retrouve après une chanson pour parler de vampires et de Dracula. C'était La Mariée de Film Noir. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Vous voyez ces voituriers-là? Ce sont des vampires. Le portier aussi. Et la pute qui est au coin. Comment vous le savez? À leur façon de bouger. Et à leur odeur. On se croirait dans un cauchemar. Oui, mais ce soir, il y a plus dangereux que les vampires. C'est quoi? C'est moi. Bon, première leçon anti-vampire. Tout ce qui est croix et eau bénite jetée à la figure, ça ne fonctionne qu'au cinéma. Dans la réalité, il faut de l'argent, un pieu et du soleil. Vous savez comment vous en servir? Non. Mais je vais apprendre ce soir, je pense. Il faut enlever la sécurité de votre arme qui est chargée de balles fourrées à l'ail. Il faut viser la tête ou le cœur. Si on vise ailleurs, on l'a dans l'os. J'entends ma tête. Est-ce que vous avez une invitation? C'était un extrait de Blade réalisé par Steven Norrington avec Wesley Snipes dans le rôle du Diurnambule, cet homme mi-vampire, mi-humain qui chasse les vampires et les massacres super-héros Marvel. Alors, on a parlé de Dracula et effectivement, derrière la figure de Dracula, il y a en filigrane cette figure du vampire qui ne cesse de se réinventer suivant les auteurs, suivant les époques. Et autant Dracula était encore considéré comme une sorte de figure un petit peu maléfique, mais qu'on finissait par plaindre un petit peu dans le livre de Bram Stoker, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le vampire était considéré aussi comme une maladie. Comment on explique ça, Barbara Sadoul? C'est avec Richard Matheson en 1954, voilà, qu'on parle de maladie, de bacille vampirique. Bon, après, on peut faire aussi, puisque le vampire reflète toutes nos peurs, donc le sida. Dans le film de Coppola, il y a des références. Mais dans le roman de Richard Matheson, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que c'est après les peurs d'une guerre nucléaire, donc ce serait après une retombée atomique, que toute l'humanité se met à se transformer. Il y a les vampires mutants de première génération, et il y a ceux qui finalement arrivent très bien à vivre avec ce bacille, en tout cas savent le combattre, mais le combattre en vivant bien, hein. Alors que Robert Neville, c'est le seul humain qui reste, puisqu'il a été mordu par une chauve-souris. Il faut qu'il y ait une explication quand même scientifique, puisque pendant c'est une guerre inventée par l'auteur. Voilà, c'est un roman de science-fiction, et qui lui ne reconnaît pas les vampires de première génération des deuxièmes, et donc il va se mettre à tous les combattre. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est lui qui devient le monstre, puisque Richard Matheson, lui, ce qui l'intéresse, c'est de parler de tolérance, et donc comment la figure du monstre se déplace, et si on n'est plus comme les autres, et ben on devient le monstre. On devient le monstre. Voilà, donc c'est un de mes auteurs préférés. Alors, le sexe est évidemment présent dans l'œuvre de Bram Stoker, tout comme un sous-texte sur l'homosexualité. Pourtant, certaines critiques trouvent que l'auteur a développé une certaine ambiguïté sur le sujet. La question de l'homosexualité chez Bram Stoker est une question vraiment complexe, parce que c'est quelqu'un qui va régulièrement s'opposer aux homosexuels, les attaquer, appeler à la censure des homosexuels. C'est quelqu'un de compliqué parce que c'est quelqu'un qui manifeste régulièrement quelque chose qui est de l'ordre de la tentation homosexuelle, et c'est quelqu'un qui, en permanence, exprime de façon ferme l'importance de la répression de l'homosexualité. François Angelier, alors, est-ce que vous avez une réaction sur cette accusation portée contre Bram Stoker sur une homophobie Oui, enfin, ça c'est un problème assez central, puisqu'il est les rapports que Bram Stoker a entretenus avec son maître et son ami Henry Irving est extrêmement ambigu. Enfin, je veux dire, il s'agit le récit de la rencontre entre Stoker et Irving est véritablement un coup de foudre. Et après, le lien que Stoker a eu avec Irving est un lien amoureux, professionnel, bien évidemment, puisqu'il était l'intendant du théâtre d'Irving. Ils allaient en tournée ensemble aux États-Unis. Mais c'est un rapport amoureux. Donc que Stoker s'oppose aux homosexuels, c'est peut-être par culpabilité ou par volonté de détourner un petit peu la cible. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, la question de la sexualité avec les vampires n'est pas la question de l'homo ou de l'hétérosexualité. Le vampire se nourrit de sang. Le sang est une métaphore générale de tout ce qui est la pulsion, l'éros généralisé, et vécu sur le mode morbide de l'épidémie. Donc je pense qu'effectivement, on peut concevoir des vampires homosexuels, hétérosexuels, même des vampires zoophiles, tout. On peut concevoir, sur le plan de l'éros et de la sexualité, des vampires dans toutes les catégories, parce que le vampire se situe derrière ça. Il y a la scène phare du bouquin qui n'a jamais été filmée comme elle est décrite dans le bouquin, quand Jonathan Harker, qui est sorti de la chambre parce que Dracula lui a interdit de se balader, comme il aime bien l'interdit, il va rencontrer ces trois femmes vampires qui veulent se repaître de lui et qui passent en premier. Il y en a une qui dit il est assez fort pour nous satisfaire toutes les trois. Il y a Dracula qui débarque en disant non, il est à moi, je vous le laisse après. Ce qui est quand même l'origine de la partouze, quelque part, je ne sais pas si Bram Stoker était au courant, se rendait compte de ça, mais il y a des relents homosexuels aussi là-dedans. Alors inconscient ou pas, je ne sais pas, mais bon. Mais c'est quelque chose qui a été repris ensuite par Anne Rice dans l'entretien avec un vampire, sur ses relations entre vampire homme, et on parlait de Carmilla, qui était une représentation de l'homosexualité féminine aussi. Et c'est vrai que dans le mythe du vampirisme est lié de près aussi à une forme de libération sexuelle totale. Et est-ce que c'est pas ce qui plaît justement aux plus jeunes, aux jeunes adolescents en recherche à ce moment-là, d'avoir derrière le mythe du vampire une possibilité d'aller où on veut? Dans Twilight, il n'est pas libéré. Non. Chez Anne Rice, oui, ce que je reproche à Twilight, justement, c'est qu'il s'intégrale. Mais rappelons que Stéphanie Meyer est mormone, et qu'il y a donc un schéma religieux très très fort et très conventionnel derrière, qu'elle nous vend via son livre. Puis chez Anne Rice, en fait, on ne parle pas d'homosexualité, c'est que quand les vampires tombent amoureux, quel que soit le sexe de la personne, ils sont amoureux. Et effectivement, là, c'est une relation sexuelle par la morsure qui est vécue des deux côtés, puisqu'ils peuvent se mordre mutuellement. Leurs cœurs battent à l'unisson, donc là, c'est une forme de fusion. Et je pense qu'il n'y a pas... C'est pas une question d'homosexualité, c'est... C'est une question d'amour. Voilà, d'amour. Donc est-ce que la figure du vampire, au lieu d'être vue comme elle l'est depuis de nombreuses années dans le cinéma fantastique, comme une figure d'horreur, c'est surtout en fait une figure d'amoureux ultime? Pas chez Dracula de Bram Stoker. Enfin, quand je l'ai lu, moi je sais que j'ai été fascinée par le roman, tous ces journaux intimes, toutes ces lettres. Il n'y a que Dracula qui n'a pas la parole, puisqu'on a dit que c'est finalement l'inconnu qui arrive d'un autre pays, on ne lui laisse pas la parole. Et il n'a pas l'air, même s'il y a une réplique des trois femmes vampires qui dit qu'il a aimé un jour, sinon il vampirise Mina, mais pour asservir son mari et pour vampiriser la capitale de la culture, Londres. Donc c'est dans les films. Et avec Murnau, effectivement, en 1922, la dernière image montre le vampire amoureux. Et justement, parlons de l'impact qu'a eu Dracula, le livre, sur le monde du cinéma. Très très vite, la figure du vampire a été récupérée par le cinéma avec Nosferatu. Ensuite, il y a eu des versions de Werner Herzog avec Klaus Kinski, Coppola. C'est très très vite, le cinéma s'est emparé de cette figure fantastique comme si elle l'attendait depuis le début. Bah oui, c'est lié à cette espèce de revisitation du patrimoine gothique qu'avait lancé la Universal aux États-Unis dans les années 30. C'est-à-dire que brusquement, l'impressionnisme à l'époque de l'impressionnisme allemand, après Nosferatu, il y a une sorte de relance de tout ça. Mais je pense que chaque époque mobilise d'une certaine façon les figures vampiriques pour ses propres raisons. Je veux dire, c'est à peu près toutes les générations on voit apparaître, un vampire. Mais c'est sûr que le vampire était attendu, puisqu'il est quand même d'une richesse à la fois narrative, plastique, absolument extraordinaire. Je veux dire, on peut tout faire avec un vampire au cinéma. On peut lui donner cette dimension d'ombre, comme ça, de crochu, véritablement du Nosferatu, le hiératisme aristocratique, et avec cet accent inénarrable chez Bela Lugosi, et puis à côté, le côté bestial et caracolant qu'a eu Christopher Lee dans les films de la Hammer. Donc le vampire, c'est une figure ouverte. Vous en faites ce que vous voulez. J'arrive pas à lire dans vos pensées. Est-ce que vous pensez, vous, les vampires? Oh oui, nous pensons. Plusieurs vies emplissent mon esprit de pensées. Alors pourquoi est-ce que je les entends pas? Je l'ignore. Peut-être parce que je n'émets pas d'ondes cérébrales. Pourquoi ça? Parce que je suis mort. Non, non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes là, devant moi, en train de me parler. Mon cœur ne bat pas, et je ne respire pas. Aucune impulsion électrique ne circule dans mes nerfs. Ce qui vous anime, les humains, ne m'anime plus désormais. Alors dites-moi ce qui vous anime. Le sang? Comment le digérez-vous alors si vos organes ne fonctionnent plus? Par magie? Oh non, pas ça, Bill. J'ai peut-être l'air naïf, mais je le suis pas. Vous ne croyez pas que c'est la magie qui anime votre être? Ce n'est pas parce que vous pouvez expliquer les mécanismes biologiques de la vie qu'elle n'en reste pas moins un vrai miracle. Et quand il y a miracle, il y a magie. C'est la magie qui anime les cellules de nos êtres. Et la magie qui anime les miennes est différente de la vôtre. C'était un extrait de True Blood, la série. Et Barbara Sadoul, vous me disiez que c'était la série en droite lignée de Anne Rice. Oui, parce que y a un écrivain que j'aime beaucoup, Morgan Cossario, qui a fait un essai sur vampires et Bayou, et qui elle a lu Entretien avec un vampire à 8 ans. Ses parents, je crois, ne lui avaient pas permis de voir le film, mais elle a trouvé le livre. Et après, elle s'est intéressée justement à ce vampire qui n'est plus dans les Carpates, mais qui est dans les Bayou, la Nouvelle-Orléans, et True Blood se situe là-bas. Et c'est vrai que c'est une autre mythologie du vampire, tout aussi effrayante, tout aussi sulfureuse, et là on est très loin de Twilight, avec un vampire, oui, effectivement très sensuel, qui peut être avec certains dans les vampires des côtés très malsains, donc oui, c'est la lignée directe d'Anne Rice pour moi. Et alors, il y a aussi les mythes du vampire vus par les Mayas, une voie qui a été explorée d'ailleurs par Robert Rodriguez dans Une nuit en enfer, avec des vampires beaucoup plus sauvages, plus physiques, qui vivent sous terre, qui sortent comme ça. Est-ce qu'il y a, suivant les pays, différentes manières de concevoir le vampire, Jacques Sergent? Ah bah, moi, je suis parti en intérêt du complot. On parlait de vampires issus des Stryges et des Lamias de l'Antiquité. En gros, ça vient surtout chez les pays qui avaient des gouvernements centralisés pour que les gens se plaignent pas de leur vie quotidienne et de manquement d'augmentation de salaire. On avait édicté une série de rituels funéraires innombrables qu'il fallait accomplir. Si vous ratiez un rituel, le mort revenait se venger, ce qu'on appelle un mal mort récalcitrant. Donc on multipliait les rituels à l'envi, et ce qui fait que les gens avaient peur de tout, et le vampire était forcément négatif à l'époque, parce qu'il revenait de venger, se venger jusqu'à ce qu'on lui offre une tombe, une sépulture décente. Il y avait les Roumains. Le vampire n'est pas une invention roumaine. Mine de rien, le premier peuple chrétien qui a eu peur des vampires, c'est le peuple franc. Au 5e siècle, ils ont édicté une loi contre les sorciers cannibales. Un sorcier cannibale, c'est quelqu'un qui dévore le sang de quelqu'un d'autre. Et c'était puni par une amende, pas par la mort. Mais c'est des lois qui ont été entérinées par Charlemagne. La France est le premier pays à avoir criminalisé le crime de vampirisme, par exemple. D'accord. Ouais. Donc en fait, ça serait un moyen de contrôler la population et de faire en sorte qu'ils ne pensent pas... Comme les religions, à mon avis, souvent, oui. D'accord, ok. Le vampirisme est devenu l'opium du peuple à l'époque. Donc c'était négatif, forcément, à l'époque. Mais j'ai une vision plus romantique. Il y a toujours eu un courant où les gens trouvaient que c'était plutôt sympathique, parce qu'on voit un vampire, il vit un peu plus longtemps. Et jusqu'au 18e siècle, la plupart des gens crèvent avant l'âge de 60 ans. Donc c'est plutôt un cadeau d'être vampire, quelque part. François Angélier. On parlait des Mayas. Il faut signaler quand même à nos auditeurs que le courant du vampirisme cinématographique mexicain est tout à fait impressionnant. Notamment, dès les origines, dès 1930, on tournait en même temps que le Dracula, on tournait Alucard, qui était une version espagnole, enfin hispanophone de Dracula. Et il y a eu, je pense que les DVD sont disponibles chez Backfilm, il y a eu toute une série de vampires mexicains dans les années 50, qui est peut-être antérieure à la Hammer, je crois, et en tout cas contemporaine, à quelques années près. Et donc, il y a véritablement... Avec même des vampires mexicains catcheurs. Absolument, ça c'est la série... Ça, c'est encore autre chose, Santo, oui. La série des Santo, mais toute la sauvagerie qui est incluse et qui est secrète un peu dans toutes les formes de culture génère comme ça son vampire. Toutes les cultures ont la capacité à créer leur vampire, mais en l'occurrence pour les Mexicains, ils étaient assez alignés sur un vampire, je dirais, un peu de type européen. Et alors aujourd'hui, on peut même voir que chaque catégorie de personnes, chaque âge a son vampire. Aujourd'hui, la figure du vampire, on peut la retrouver en jeux vidéo, via Castlevania, les derniers des jeux tels que Legacy of Kain, Lords of Shadow, mais également dans un dessin animé tel que Transylvania, où les enfants ont leur vampire, leur gentil vampire à eux. Est-ce que le vampire est déclinable pour tout âge, de toute communauté? À un certain degré de familiarité, oui. Aujourd'hui, vous avez des patoufs zombies, pareil pour Frankenstein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la figure, on a passé la surprise, on a passé la terreur, qu'on est dans une sorte d'acclimatation, de familiarité, eh ben on peut décliner le vampire sous toutes les formes. Et ben, effectivement, le vampire humoristique existe très largement. Et effectivement, non, il y a plus. C'est une figure qui est totalement ouverte pour ça. Il peut se transformer en ce qu'on veut, un chien, un loup, une brume. Un être humain, il peut muer. Voilà, donc tout est possible avec le vampire. Et pour découvrir cette mythologie, si vous aviez un livre ou un film ou un jeu à conseiller aux auditeurs, lequel serait-il? Barbara Sadoul. Le Dracula de Coppola, moi, c'est un de mes préférés. Et c'est vrai que c'était au moment où, en plus, je faisais mes recherches sur la solitude du vampire. Et donc, quand le film est sorti, j'ai foncé au cinéma. C'était un très beau cinéma qui était Place d'Italie. Donc, l'écran était incurvé, immense. Et j'ai eu l'impression d'être plongée à l'intérieur. sans Jaïd? Moi, je pense que c'est toujours pareil. Il faut deux choses. Il faut bien évidemment commencer avec un film. Je crois que le vampire de Coppola, effectivement, à la date d'aujourd'hui, en 2019, reste le meilleur accès. Et après, on remonte le temps. On commence avec Coppola, après on passe au film de Anne Rice, après les films de la Hammer, et on remonte jusqu'à Nosferatu. Donc, je pense qu'il faut remonter le temps. Et puis, il faut lire le texte, quand même. Je suis à côté d'un traducteur de Dracula. Le texte vient de paraître en Pléiade, également dans une nouvelle traduction. Il faut lire. C'est un des plus grands... Oscar Wilde disait, c'était un des plus grands romans du 19e siècle. On peut même dire que c'est un des plus grands romans qui ait jamais été écrit, égal en sens à, je sais pas moi, à Guerre et Paix, à Voyage au bout de la nuit, ou voilà, c'est un chef-d'œuvre littéraire. Jacques Sergent. Moi, j'ai un fait pour le film de John Badham, qui a une mauvaise presse parce que c'est lui qui a fait La Fièvre du samedi soir. On dit quelqu'un qui a fait La Fièvre du samedi soir peut pas faire un bon film de vampire. Avec Laurence Olivier dans le rôle de Van Helsing, qui fait un vieux schnock totalement dépassé. Et c'est le seul version de Dracula où, à la fin, il survit. Qui est plutôt optimiste comme vieux. C'est la plus belle adaptation amoureuse de Dracula pour moi, voilà. Et puis je pense qu'il faut lire aussi la vie de Bram Stoker parce qu'elle est aussi intéressante. Et moi, elle m'a inspirée pour écrire. Et il y a son descendant, Dacre Stoker, qui a écrit Les Origines et qui mêle à la fois les personnages et la vie de Bram Stoker, enfant malade jusqu'à l'âge de 8 ans, qui guérit étrangement. Merci Barbara Sadoul. Bon, vous connaissez le principe, c'est bientôt l'heure du jeu, mais avant cela, on va écouter Keren O et Danger Mouse avec Woman. Et maintenant, vous allez boire tout mon sang ? Oh, encore un humain paranoïaque. Le sang humain est beaucoup trop gras et on ne sait jamais où il a traîné. C'était Careno et Danger Mouse, et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Laurent au téléphone. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Vous allez bien ? Oh bah il faut, hein, et vous ? Mais très très bien, bah il faut comme vous. Hein. Alors, vous êtes fan de Dracula ? Bon, je suis fan de beaucoup de choses geeks, mais entre autres Dracula, ouais. Voilà, et est-ce que vous auriez, vous aussi, un conseil de lecture ou de film ? Profitez-en. Oh ben, moi, je pense, enfin, personnellement, je suis plus venu par les parodies avec notamment Mel Brooks. Oui. Dracula, mort et heureux de l'être. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est sorti quand j'avais l'âge d'aller au cinéma et de regarder ça, et je suis tombé là-dessus avant Coppola. Parfait, parfait. Vous connaissez le principe du jeu, mais je le répète quand même. Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon ? Super. C'est parti. Quelle œuvre est considérée comme le tout premier récit vampirique bien avant Dracula de Bram Stoker ? Réponse A, L'étranger des Carpates de l'allemand Karl von Warschmann, Carmilla de l'irlandais Sheridan Le Fanu, ou réponse C, La morte amoureuse du français Théophile Gautier. J'aurais dit la première, l'allemande, enfin, la version allemande. L'étranger des Carpates. Oui. Non, ça n'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker ? Ah ben oui, forcément. Alors, à qui on fait appel ? Ah ben on va demander à Jacques Sergent, qui a l'air de bien s'y connaître. Bonjour. Alors, je repose la question, Jacques. Quelle œuvre est considérée comme le tout premier récit vampirique bien avant Dracula de Bram Stoker ? Donc, soit Carmilla de l'irlandais Sheridan Le Fanu, ou La morte amoureuse du français Théophile Gautier. Alors, je donne un indice ou je donne la réponse ? Ah, il faut donner la réponse, c'est mieux. Ben c'est Théophile Gautier qui est antérieur chronologiquement, Sheridan Le Fanu. Donc, c'est la réponse B, je crois. Eh ben, écoutez, oui. C'est une bonne réponse. Bonne réponse ! C'est question suivante. Quel personnage historique est considéré comme la source d'inspiration de Dracula ? Alors ça devrait, il me semble que c'est Vlad Tepes. Oui, c'est une bonne réponse. Un prince roumain qui a vécu au 15e siècle et qui était réputé pour être sanguinaire. Son surnom Dracula, signifiant « fils du dragon », aurait inspiré le nom au comte Dracula. Alors maintenant, on va vous faire écouter un son et il va falloir deviner de quoi il s'agit. Ah bah oui. Si vous écoutez Blockbuster, vous devez forcément trouver, c'est... Le générique de Buffy contre les vampires. Eh bien voilà, c'est une bonne réponse. Eh bien Laurent, vous avez gagné le livre de Jacques Sergent, Ange, Vampire et Démon, Les Combattants de l'Ombre. Ah bah c'est super. Merci à vous. Merci à vous, passez à bientôt. À bientôt. Cette émission touche à sa fin. Merci au vampirologue et traducteur Jacques Sergent, au producteur de l'émission Mauvais Genre François Angelier et la comédienne et autrice Barbara Sadoul. Merci. Merci. Alors, aux auditeurs, si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEffi. Alors, waouh, tu es le vrai comte Dracula ? Genre, t'es moi Dracula, blablabla. Jamais je n'ai dit ça de toute ma vie. Blablabla. Je me demande qui a lancé ça.